Le trou noir. Il a la sensation désagréable d'avoir la langue et la gorge aussi sèches que du papier buvard. Le verre d'eau fraîche que l'Assia lui tend ne suffit même pas à étancher sa soif. Sans un mot, elle resserre. Il s'applique à le boire à petites gorgées. Il est arrivé chez l'Assia la boule au ventre, mais l'angoisse paroxystique qu'il éprouvait en franchissant le seuil de la maison n'a pas résisté 10 minutes à la séance d'hypnose pratiquée par son ami. Cependant, malgré ce soulagement, il n'arrive pas à se débarrasser de l'étrange sensation de soif qu'il ressent depuis ce matin. Toujours sans un mot, la serre vient s'asseoir derrière lui, le même fauteuil que la séance précédente. Elle est toute proche, il peut l'entendre respirer, mais elle ne peut la voir. Vous allez me trouver stupide, mais même si l'hypnose a calmé mon angoisse, elle ne l'a pas fait disparaître. Pourriez-vous vous installer de façon à ce que je puisse vous voir ? Je me sentirai plus rassuré. » Dans un geste d'apaisement, la Sia pose sa main sur son épaule. Elle se lève. « Restez allongé. Vous devez être le plus calme possible. » En un tournement, elle déplace deux fauteuils, écarte la table basse et positionne un siège pour être au plus près de Jean. « Vous savez bien que votre angoisse et ses symptômes ne s'atténueront vraiment que lorsque vous aurez affronté votre trou noir. » Soyez sûr d'une chose, c'est que je suis là, près de vous. Vous n'êtes pas seul. Vous avez raison. Allons-y, je suis prêt. La Sia enclenche le magnétophone. Transcription de l'enregistrement numéro 2. Séance privée du vendredi 9 octobre 2015. 16h30. Objet de la séance, régression sous hypnose. Sujet, Jean Rine. Hypnothérapeute, La Sia Rampa. Bruit d'hiver. La Sia Rampa. Ok, Jean. Vous connaissez bien le processus maintenant. Respirez régulièrement, mais sans excès. Détendez votre corps et concentrez votre esprit sur ma voix, rien que ma voix. Je vais compter jusqu'à 3, et à 3 vous entrerez dans votre mémoire. Vous laisserez votre esprit vous guider. Vous savez ce que vous cherchez. Je compte. 1, 2, 3. Voilà. Votre esprit est maître de votre mémoire, de la totalité de votre mémoire. Où êtes-vous, Jean ? Jean Rine. Je suis dans un hangar immense. Nous sommes très nombreux, tous des militaires alignés en longue file, sac à paquetage et sac à dos à nos pieds. LR. Savez-vous où se situe ce hangar ? JR. Oui, sur le quai militaire du port d'Alger. Et tous ceux qui sont là sont descendus du Sidi Mabrouk il y a plus d'une heure. J'ai malgré tout la sensation du sol qui tangue et roule sous mes pieds comme si j'étais encore en mer. LR. Et que faites-vous dans ce hangar ? JR. L'appel se termine. Les sous-officiers chargés de nous dispatcher nous regroupent suivant nos destinations. LR. Qu'est-ce qu'une destination ? JR. Le lieu géographique de notre affectation. Quelqu'un vient d'appeler le 11e groupement tactique. C'est mon unité. Je vais me mettre en place, mais... Silence. LR. Pourquoi ce mets et ce silence ? Y a-t-il quelque chose d'anormal ? JR. Oui. Des groupes se sont formés à l'appel des autres unités, mais je suis le seul à répondre pour le 11e. Un caporal me fait signe de le suivre sous le regard intrigué de mes compagnons de voyage. La burle me fait un clin d'œil, pouce levé en signe d'encouragement. LR. La burle. C'est bien l'autre sergent, votre camarade de promotion. JR. Oui, c'est bien lui, celui avec lequel je parlais dans la coursive du bateau. Je sais qu'il part sur le barrage tunisien. Ils doivent être une dizaine dans son groupe. LR. Le barrage tunisien. JR. Oui, le barrage électrifié est destiné à stopper les infiltrations rebelles depuis la Tunisie. Il y a le même sur la frontière marocaine. LR. Connaissez-vous la raison pour laquelle vous êtes seul à partir pour cette unité ? JR. Non. Je l'ignore, et ma curiosité se double d'inquiétude lorsque le caporal me désigne une jeep dans laquelle il m'aide à charger mes impedimenta. Il me fait un petit salut pas très réglementaire et m'explique. Le chauffeur va vous conduire à la gare où vous prendrez le train qui part dans 45 minutes. Direction Tizi Aman, son terminus. Vous descendrez à la gare de Rikketi où vous êtes attendu. C'est la gare juste après celle de Borj Maalouf. Bonne chance, sergent, et bon courage. LR. Pouvez-vous préciser ce qui vous inquiète ? JR. Le ton de la voix du caporal. comme s'il me prenait en pitié. Mon instinct me dit que le coin où je vais doit être connu de tous pour être inhospitalier. Elle erre. « Bien. Nous saurons bientôt si votre instinct a raison. Êtes-vous dans la Jeep ?» J.R. « Oui. » Après avoir quitté l'enceinte militaire, nous prenons une large rue très fréquentée qui longe le port. Le trajet est bref, 5 minutes tout au plus, et la Jeep stoppe le long d'un bâtiment dont la destination ne fait aucun doute. C'est la gare. Sur notre droite, au-dessus de larges arcades, une autre rue a la circulation tout aussi dense que celle que nous venons d'emprunter. L.R. Vous voyez distinctement tous ces détails ? J.R. Oui, c'est très net. Mais je peux vous décrire la voiture qui passe et le visage des piétons que je viens de croiser. L.R. Je suis très contente que votre régression soit aussi nette. C'est assez rare pour le noter. Où êtes-vous maintenant ? J.R. Je suis les indications du caporal. J'ai mon ordre de mission qui fait office de billet. Je vais donc directement sur le quai. Sur le mur du bâtiment, un tableau noir sur lequel une main appliquée a inscrit à la craie l'horaire, la destination et le quai des prochains trains en partance. En fait, il n'y en a que deux. Le mien est déjà à quai, juste devant moi. Départ dans une demi-heure. L.R. Quel est votre état d'esprit à cet instant ? J.R. Calme. Malgré la quasi-impossibilité de se tromper, ma seule préoccupation est de prendre le bon train et de descendre à la bonne gare. Je monte dans un vieux wagon en banquette de bois. Il fait chaud. J'enlève la capote que j'ai sur le dos depuis Marseille. Pas de place attribuée. Je m'assieds au fond du wagon. L.R. Au fond du wagon ? Est-ce une précision importante ? J.R. Oui. Ça me permet de voir tout le wagon en étant certain que personne ne sera derrière moi. L.R. Faites-vous cela instinctivement ? J.R. Je ne saurais dire. Entraînement, instinct, peut-être les deux. Quelques personnes montent dans le wagon, essentiellement des Algériens. Je ne vois aucun Européen, et surtout aucun militaire. L.R. Êtes-vous armé ? J.R. Non. Le caporal de tout à l'heure ainsi que le chauffeur étaient équipés d'un MAT 49, mais moi je n'ai strictement rien. L.R. Un MAT 49, qu'est-ce que c'est ? J.R. Un pistolet mitrailleur que les civils appellent une mitraillette. L.R. Ah. Que voyez-vous d'autre et quel est votre état d'esprit ? J.R. Rien qui ne présente un intérêt particulier, mais je me pose un millier de questions qui trouveront sans doute leur réponse à destination. L.R. Pouvez-vous justement faire un petit saut dans le temps et vous transporter au moment où vous arrivez ? J.R. Oui. L.R. Que voyez-vous ? J.R. Le train vient de quitter la gare de Borj-Malouf et le prochain arrêt est Riketi, ma gare d'arrivée. Au fur et à mesure que le train s'est éloigné d'Alger, le paysage est devenu de plus en plus montagneux. Je pense que Riketi doit être dans une vallée. L.R. Y a-t-il eu un fait notable pendant le voyage ? J.R. Non. Sauf que le train se traîne et qu'il s'arrête à toutes les gares. Des gens sont montés et descendus, en majorité des paysans. Il y a eu aussi une famille en tenue traditionnelle. L.R. Quel est leur comportement par rapport à votre présence ? J.R. Ils doivent avoir l'habitude de voir des militaires. Ils sont totalement indifférents. Ah, le train arrive en gare de Riketi. Une petite gare pour un petit village. Je suis déjà à la porte avec tous mes bagages et lorsque le train stoppe, je saute sur le quai et récupère mes sacs. L.R. Pourrions-nous faire une pause ? J.R. Oui, bien sûr. L.R. Bien. Concentrez-vous sur ma voix, Jean. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3 vous allez revenir au conscient et vous souvenir de chaque détail. 1 2 3 Top. Revenez avec moi, Jean. Voilà. Respirez profondément. Est-ce que ça va ? J.R. Oui, très bien, comme l'autre fois, juste un peu engourdi. L.R. Je laisse tourner le nagra. Jean-Rine n'est plus sous hypnose. Maintenant que vous n'êtes plus sous hypnose, je voudrais vérifier si pour certains événements, l'acuité de vos souvenirs est comparable à celle de vos visions de régression. J.R. Pas de problème, Lassia. Que dois-je faire ? L.R. Rien d'autre que d'essayer de vous rappeler l'instant que vous me décriviez. Sauf que cette fois, vous n'êtes plus sous hypnose et qu'il vous faut remonter 55 ans en arrière. J.R. Je veux bien essayer. L.R. Parfait. Je sais que pour l'épisode du trou noir, comme vous l'appelez, il faudra absolument pour vous aider et vous protéger que vous soyez en régression sous hypnose. Là, J'essaie seulement d'entraîner votre mémoire à rechercher par elle-même un maximum de détails. Rappelez-vous qu'il est important que vous puissiez accéder sans restriction au moindre fait, à la moindre émotion. Mais ce qui compte vraiment, c'est de pouvoir ensuite tout conserver tel quel dans votre mémoire récente lorsque vous êtes conscient. Donc, vous êtes descendu du train à la gare de Rikkati il y a de cela 55 ans. De quoi vous souvenez-vous? Y a-t-il quelqu'un qui vous attend? J.R. Oh, pour ça, je m'en souviens parfaitement. Il y a tout un comité d'accueil. 4 militaires et un 6-6. L.R. Un 6-6. J.R. Oui, un véhicule entre la Jeep et le camion, mais avec 6 roues motrices, d'où son nom. L.R. Ah, très bien. Pouvez-vous me décrire les militaires de votre comité d'accueil? J.R. Oh oui. Alors que je suis boudiné dans ma tenue de sortie et engoncé dans ma capote, les 4 hommes qui m'attendent me paraissent tout droit sortis d'un reportage sur la guerre d'Algérie que l'on passe aux actualités dans les salles de cinéma. L.R. Les actualités? J.R. Oui. 5 à 10 minutes d'informations et de reportages divers que l'on passe en première partie. Au début des années 60, la télévision est un luxe que peu de foyers peuvent s'offrir. Il y a donc une récap hebdomadaire des infos au cinéma juste avant l'entracte. L.R. Revenons à ceux qui vous attendent. J.R. Les 4 soldats sont tous équipés de la même façon. Tenue de combat camouflée, casquette, rangers, ceinturon de toile et sac à dos pour certains. L.R. Je remarque que vous semblez avoir des souvenirs très clairs de cet instant. Ils ont sans doute été ravivés par la régression, ce qui est un des buts de nos séances. Pouvez-vous poursuivre? J.R. Oui, sans problème. La personne qui s'avance vers moi porte des galons de sergent-chef sur le devant de sa veste de combat et comme seule arme un pistolet au ceinturon. Pas très grand, râblé, il a un visage en lame de couteau et de petits yeux vifs très rapprochés qui me scrutent attentivement. Il me tend une main que je serre après l'avoir salué et m'être présenté. Et il me rend mon salut. Sa poignée de main est plus que ferme. Salut Rine, moi c'est Minger, chef Minger, Gérard Minger. Certains m'appellent Gégé quand ils croient que je ne les entends pas. Excuse notre tenue, on sent un peu le fennec. On rentre de patrouille. Effectivement, les uniformes des 4 hommes sont plutôt poussiéreux. Le chef Minger fait les présentations. L.R. Excusez-moi Jean, mais les dialogues que vous rapportez sont-ils exacts, mot pour mot? J.R. Sans doute pas au mot près, mais c'est le souvenir que j'en ai. L.R. C'est déjà très bien. Poursuivez Jean. J.R. Donc le chef Minger fait les présentations. Le caporal-chef Rabot dit Laura, un grand gaillard sympathique au visage juvénile à moitié caché par la visière de sa casquette qu'il coiffe bas sur les yeux. Il porte son PM à bandoulière et un plastron de toile garni de chargeurs. Sur sa hanche droite, un pistolet et une dague commando. Sur sa hanche gauche, une petite musette de toile à 3 compartiments garnis de grenades. L.R. Votre souvenir est très précis. J.R. Peut-être, mais je n'y ai aucun mérite. Dans moins d'une heure, j'aurai le même équipement et je vais le porter pendant un an. L.R. Oui, bien sûr. C'est évident. Vous avez parlé de 2 autres soldats. Vous souvenez-vous précisément de leur nom? J.R. Oui, très bien. Ils deviendront très vite de bons copains. Il y a le première classe Rudan, le chauffeur du 6-6 et le deuxième classe Arbo, qui est arrivé le mois dernier, mais ressemble déjà à un vétéran. Sur les 4 venus m'accueillir, seul le chef et le caporal-chef sont comme moi des militaires sous contrat, les 2 autres sont les appelés. L.R. Pardonnez-moi, mais concernant les 2 appelés, vous avez parlé de bons copains. Comment se fait-il alors que vous êtes sergent et qu'ils sont de simples soldats? J.R. Dans le commando de chasse du 11e où je vais être intégré, tout le monde s'appelle par son surnom qui devient son indicatif en opération. Dès que l'on part en OP, il ne viendra à personne l'idée de contester la hiérarchie, mais au repos, en base arrière, nous sommes tous des copains, à l'exception du chef qui reste le chef. J'apprendrai plus tard qu'il était sous les ordres de mon père au Tonkin comme caporal-chef. L.R. Je me souviens que vous en avez déjà parlé lors de notre dernière séance. Est-ce que vous avez un surnom? J.R. Le premier mois, je serai la cigogne, mais ensuite, ce qui n'est pas habituel, je deviendrai le Naja. Peut-être à cause des lunettes. Rire de l'Asia. L.R. Pouvez-vous plutôt me dire à quel aspect de votre personnalité ces surnoms font référence? J.R. Oh, la cigogne, c'est parce que je suis grand, maigre et que j'ai de longues jambes. Le naja, c'est après le premier nettoyage de grotte auquel j'ai participé. Cela faisait référence à ma capacité à me déplacer sans bruit et sans être vu. LR. Votre entraînement était très poussé. JR. Ce n'est pas de mon entraînement que me venait cette aptitude. LR. Et de quoi d'autre? JR. La chasse aux sangliers avec mon grand-père et mon grand-oncle dès mon plus jeune âge, et ça pendant des années. Comme il n'avait que de vieilles pétoires très imprécises, il fallait approcher au plus près avant de tirer. Long silence. LR. 18 ans et déjà sergent affecté dans une zone de guerre. J'ai du mal à l'imaginer. JR. Rassurez-vous, je vais vieillir très vite. LR. 22 ans plus tard, avez-vous parlé de cette période à Nathalie? JR. Au tout début, je n'ai fait que l'évoquer. Elle a tout de suite senti qu'il y avait en moi une blessure profonde, mais n'a jamais posé de questions, pensant sans doute que l'initiative m'appartenait. J'y suis parvenu, mais ça a été très dur. LR. Y en avez-vous parlé avec votre femme? JR. Oui, mais sans donner de détails. Elle savait que c'était quelque chose de lourd à porter. Elle a été témoin de tant de cauchemars et elle m'a tant aidé. LR. Et par Nathalie aussi, sans doute? JR. Oui, bien sûr. Mais avec elle, non, pas un seul cauchemar. LR. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé après votre accueil en gare? JR. Je suis monté dans le 6-6 avec mes sacs et nous sommes partis aussitôt au cantonnement du 11e. Une ancienne ferme aménagée pour les besoins de l'unité. Ce n'était pas très loin et nous n'avons pas mis 5 minutes pour faire le trajet. J'ai aussitôt été présenté au capitaine Lavier. L'entrevue, quoique cordiale, a été brève. Il en est ressorti que le patron m'affectait au commando de chasse, mais qu'il me mettait à la disposition du chef Minger. Autrement dit, sous sa tutelle directe, sans me confier de groupe à commander, ce qui, vu mon jeune âge et mon inexpérience, m'a paru tout naturel. Une période de rodage, en somme. Ensuite, je suis allé toucher mon nouveau pactage en laissant l'ancien au sergent Fourier, puis, toujours accompagné par Udan le chauffeur, je suis allé à l'armurerie percevoir un MAC 49 et 8 chargeurs, pistolets, munitions, grenades, etc. LR, etc. GR, oui, nécessaire d'entretien et autres bricoles. LR, je suppose que vous n'avez pas tardé à partir sur le terrain? JR, oui, dès le lendemain. Une simple patrouille où j'ai cependant beaucoup appris. La première chose étant qu'il me fallait oublier une bonne moitié de ce que l'on m'avait enseigné pendant mes 6 mois de formation à l'école des sous-officiers. LR. Voulez-vous que l'on revienne sous hypnose pour parler de la suite? JR. Ça ne me paraît pas nécessaire. Bien qu'éprouvant physiquement, les jours qui vont suivre sont tout à fait gérables. Je connaîtrai mon baptême du feu dans une embuscade dont nous nous dégagerons très vite, sans cependant pouvoir poursuivre l'ennemi. Mais après le résumé de mon premier mois, on va rentrer dans le dur et là je crois que ce sera indispensable. LR. Souhaitez-vous que l'on parle maintenant de ce mois d'adaptation? JR. Oui, je veux bien. LR. Je vous écoute, Jean. JR. Bon. Premier jour, installation dans mes quartiers. Une chambre au bout de la baraque où est cantonné le commando. Je la partage avec l'autre sergent de l'unité, le sergent Mayer. Lui, c'est un ancien. 23 ans, 50 services, dont 2 ans d'Algérie. Accueil très sympathique. Il me briefe sur les usages et m'indique que la chambre contiguë à la nôtre est celle du chef Minger qui l'occupe seul. Ancienneté oblige. Le reste de la baraque est affecté aux 22 hommes du commando, en grande majorité des appelés volontaires ayant passé leur période d'essai. LR, tout comme vous en somme. JR, exactement. Personne n'y échappe sauf le chef nommé à ce poste par le capitaine. Tous ceux qui l'ont occupé étaient des anciens d'Indochine avec une solide expérience du combat. Mayer me dit qu'avant GG, c'était l'adjudant-chef Costieri, surnom Pépé, qui était le patron du commando. LR, un peu irrévérencieux comme surnom. JR, d'après ce que j'ai entendu dire sur l'homme, c'était au contraire très respectueux. LR, et ensuite vous avez été présenté au commando? JR, oui. Et ça s'est terminé par un pot d'accueil à l'autre bout de la baraque aménagée en espace détente avec un bar. Très bien garni, ma foi. J'ai un peu déçu tout le monde par mon refus de boire de l'alcool, même une bière. Le chef est arrivé juste à temps pour me sortir de là en demandant que l'on me foute la paix sur ce chapitre. LR, vous ne buvez pas d'alcool. JR, je n'en buvais pas, mais ça n'a pas duré. Un peu avant la fin de mon séjour, j'ai appris à apprécier les bons vins, puis le rhum et le whisky. LR, et votre baptême du feu, vous pourriez en parler? JR, si vous voulez. C'était une simple mission d'escorte en zone dangereuse d'une section du génie du groupement chargée d'un chantier de réfection de pistes. Il devait s'installer pour un mois dans une ancienne maison forestière tenue par une section du 9e RIMA. Silence. C'était juste à la sortie d'une gorge. On s'est fait allumer par une MG-42 et un lance-patate. LR, pardon, pouvez-vous m'expliquer ce qu'est... JR, excusez-moi. Une MG-42 est une mitrailleuse légère allemande de la Seconde Guerre mondiale. Sa caractéristique principale est une cadence de tir qui s'accélère tant que l'on tient le doigt appuyé sur la détente. De 600, elle peut atteindre 1300 coups minutes en 2 secondes. C'est très impressionnant. Vous avez l'impression d'être pris sous un orage de grêle. Tout le monde la reconnaît à son bruit caractéristique, celui d'une scie circulaire. Quant au lance-patate, c'est un fusil spécialement équipé et qui tire des grenades antipersonnelles ou anti-chars. Bon, là, le tireur était un débutant. Une grenade pour nous stopper en tête de convoi. C'était un Haftrag qui ouvrait la route. Il n'a pas été touché et sa mitrailleuse de tourelle a aussitôt répondu à la MG-42. LR. Par chance, je sais ce qu'est un Haftrag. JR. Ah, bien. Le lance-patate nous a mis une deuxième grenade juste à côté du porte-char avec le bulldozer. Pas de dégâts, et pendant que toute la section sous les ordres d'un aspirant répondait par un feu nourri, l'équipe du commando avec le chef Mingé derrière lequel je collais à 2 mètres a tenté de déborder la poignée de rebelles qui nous attaquaient. Ils ont tout de suite vu la manœuvre et ils ont décroché derrière la crête où ils étaient postés. Le chef, en vieux briscard, qui craignait une embuscade à tiroir, n'a pas insisté, d'autant que nous avions laissé la moitié de notre effectif en protection. Après ça, le convoi s'est remis en route et nous n'avons plus d'ennui. Nous avons atteint la maison forestière sans encombre et confié la section au bon soin du RIMA chargé de la sécurité du chantier. Le retour s'est fait sur les chapeaux de roue avec le 6-6 et le GMC Tourelle, un camion équipé d'une mitrailleuse. Voilà, c'était mon baptême du feu. LR. Vous racontez ça comme s'il s'agissait d'une randonnée dans les Cévennes. JR. Peut-être parce que les paysages sont quasiment identiques. LR. Une région très touristique, en somme. JR. Elle est redevenue pendant un temps après la guerre, jusque dans les années 90, où les islamistes ont investi la région. Silence. LR. Est-ce qu'une tasse de thé vous tenterait? Voulez-vous que nous fassions une pause? JR. Volontiers. LR. Ok, j'étais le Nagra. LR. Reprise de séance, il est 17h35. Vous êtes donc d'accord pour aborder sous hypnose et en régression le sujet dont vous n'avez jamais parlé à personne jusqu'à présent? JR. Oui, je suis d'accord, mais c'est terrible. Vous allez m'obliger à affronter de nouveau ces cauchemars qui m'ont hanté pendant des années et que j'ai eu tant de mal à maîtriser. LR. Je ne vous oblige à rien, mais vous devez le faire. En enfouissant ces souvenirs pour les empêcher de remonter à la surface, c'est une partie de vous-même que vous rejetez, et ça, vous ne le pouvez pas. Il vous faut être entier pour le passage. D'ailleurs, la branderie vous l'a dit. JR. Bien, faisons-le. Mais s'il vous plaît, donnez-moi la main. J'essaierai de ne pas vous la broyer. LR. Pour ça, je n'ai aucune crainte. Votre état de décontraction musculaire ne vous le permettra pas. On y va. JR. Allons-y. LR. Bien. Respirez profondément. Sentez l'air qui circule en vous. Vous écoutez ma voix. Vous n'entendez que ma voix. Vous êtes complètement décontracté. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous serez au début de l'événement que vous appelez le trou noir. Laissez-vous aller, Jean. Je compte. 1, 2, 3. Voilà, vous y êtes. Que voyez-vous? JR. Il doit être aux environs de 15 heures. Je suis avec la deuxième équipe du commando pilotée par le chef Mingé. Nous sommes 10 en tout. Les chauffeurs des véhicules qui nous ont déposés en fin de piste sont restés avec un détachement de paras qui sécurise une quinzaine de GMC. Nous progressons dans un talweg très rocailleux et broussailleux. Il fait très chaud et nos sacs sont particulièrement chargés. Réserve d'eau, boîte de rations de survie, plus les pains de plastique et les boîtes de cartouches. Pas de vêtements de rechange à part une paire de chaussettes. En plus du sac, nous portons comme d'habitude nos armes, chargeurs et grenades. LR. Savez-vous où vous allez ? JR. Oui. Une compagnie du 13e RCP a accroché une bande rebelle d'une quinzaine d'hommes hier après-midi. Ils en ont neutralisé 10, tués ou prisonniers, mais 5 ont réussi à se réfugier dans une grotte quasi inexpugnable, juste au bout du talweg où nous progressons. LR. Connaissez-vous votre mission ? JR. Malgré 2 assauts successifs, les paras n'ont pas réussi à réduire la grotte où les occupants sont retranchés, avec, semble-t-il, des approvisionnements solides en vivres, armes et munitions. On peut supposer que la grotte est un refuge aménagé de longue date et qu'ils ont donc de l'eau et de la nourriture pour tenir très longtemps. Parmi les 5 hommes, il y a un cadre très important qu'il faut absolument capturer vivant. Donc, interdiction d'utiliser les grands moyens, comme l'aviation ou même un lance-roquette. Silence. LR. Êtes-vous toujours dans le talweg, Jean ? JR. Oui. La mission qui nous a été confiée est de capturer ce cadre politique qui, en toute logique, doit se trouver bien à l'abri au fond de la grotte, protégé par les 4 autres. LR. Comment les paras le savent-ils ? JR. Oh, c'est la déduction du chef Minger. LR. Je ne comprends pas très bien pourquoi les paras, qui ont la réputation d'être particulièrement entraînés, ne font pas eux-mêmes le nécessaire. JR. Ils ne sont pas équipés pour ça. Pain de plastique, PM avec torche, masque à gaz et grenade à gaz incapacitant. Outre ses attributions de commando de chasse, le commando du groupe est spécialisé dans la réduction de grottes avec le minimum de casse. LR. Êtes-vous en vue de la grotte ? JR. Oh non. Bien que le terrain soit sécurisé par les paras, nous progressons lentement. Nous sommes chargés comme des mulets et le sol est très rocailleux. Le chef ordonne une pause de 10 minutes et nous en profitons pour nous réhydrater. La progression reprend et après une autre heure de marche harassante, nous arrivons enfin à destination. Suivi de son radio et d'un autre para qui ne le quitte pas d'une semelle, un lieutenant du 13e RCP vient à notre rencontre. Il a l'air impressionné par le volume et le poids de nos sacs et indique tout de suite au chef un endroit où nous installer hors de vue d'un éventuel tireur de la grotte. Il l'entraîne ensuite derrière un éboulis. Tous les 2 s'accroupissent et le lieutenant désigne du doigt plusieurs points, sûrement la grotte et son environnement. LR. Voyez-vous la grotte ? JR. Non, pas encore. Le talweg fait un coude après les boulis et je pense qu'elle se trouve juste derrière. Le chef revient vers nous et confirme mes déductions. Il nous dit de mettre un sac à terre, de boire un peu, de nous installer et de nous détendre. Briefing dans 10 minutes. Les anciens ont l'habitude et s'installent sommairement, mais visiblement pour quelque temps. LR. Vous voulez dire qu'ils savent que la mission va durer et que chacun se prépare en conséquence ? JR. Exactement. D'ailleurs, les 10 minutes sont déjà écoulées et tout le monde se retrouve en demi-cercle autour du chef. Il dit « Bon, cage à miel ouverte, parce que je ne répéterai pas 2 fois. Je cause. Les questions, c'est après. » Il s'accroupit et avec un bout de bois esquisse un plan sommaire sur le sol. Situation. Voilà le talweg, nous on est là, juste dans le coude. Après, ça s'élargit comme ça. Surface, environ 3 terrains de foot. La grotte est ici dans une espèce de cul-de-sac à flanc de falaise. Là-dedans, ils sont 5, dont un cadre politique et 4 combattants. Et c'est pas les manchots. Dès qu'un para, ils sont là, mais là, bouge une oreille, il se fait allumer. 2 assauts ont déjà échoué, 5 paras blessés évacués par l'hélico sanitaire. Ils ont 2 MG-42, des mats et un masque 49-56 à lunettes, des tonnes de munitions, de la bouffe et de l'eau pour tenir 100 ans. 2 accès à la grotte. Un cône d'éboulis en pente douce, large à la base d'une 100 mètres, et de 5 à 6 mètres juste au niveau de l'entrée. C'est un vrai champ de tir, et avec une MG-42, même un aveugle pourra en interdire l'accès en se repérant au seul bruit des pas dans la caillasse. 2e accès, un sentier très étroit qui part de là, au pied de la falaise, juste au niveau d'un bosquet de 3 chênes-lièges. L'accès au bosquet est relativement à couvert. Après, sur le sentier en pente douce mais droit comme un nid, le 49-56 fait des cartons à coup sûr. Mission, réduire pour détruire la grotte en faisant un maximum de prisonniers et surtout récupérer un max de docks. Cerise sur le gâteau, le cadre doit absolument être pris vivant. Moyen, vous les connaissez, et à moins de se déguiser en courant d'air, c'est pas gagné. Alors si quelqu'un a une idée, c'est maintenant. LR. Et vous, avez-vous une idée, Jean ? JR. Hélas, oui. LR. Pourquoi ce hélas ? JR. Parce que c'est sans l'ombre d'un doute, à l'instant précis où j'ai levé la main, que toute ma vie a basculé. LR. Vous voulez dire que tout le reste de votre vie a été conditionné par ce geste ? JR. J'en suis persuadé. LR. Bien. Que s'est-il donc passé ? JR. Je lève la main. Le chef fronce les sourcils et me fixe de ses petits yeux de crotal. Son regard froid est vraiment déstabilisant. Oui, sergent, je t'écoute. Le fait qu'il m'appelle par mon grade et pas par mon nom souligne le fait qu'il ne me considère pas comme totalement intégré au commando. Et marque aussi sa surprise. Il ne s'attendait sûrement pas à ce que ce soit un bleu de 18 ans avec une ficelle toute neuve qui se manifeste. Je m'avance. J'ai peut-être une idée, chef, mais avant j'ai besoin de prendre certains repères. Il faudrait que je voie le terrain. Le chef m'a fait signe d'approcher, je le suis au pied de l'éboulis. Baisse-toi, sinon le 56 ne te loupera pas. Je me colle au rocher et risque un œil par-dessus un bloc imposant. Le terrain m'apparaît tel que le chef nous l'a décrit. Je lui demande ses jumelles. Comme toutes les jumelles de l'armée, l'optique est graduée, ce qui permet d'estimer la distance d'une cible et l'intervalle entre deux points. 5 minutes d'observation et je rends les jumelles au chef. Je réfléchis moins d'une minute et je me tourne vers mon ancien. Je crois que c'est jouable, chef. Je l'intrigue de plus en plus. Il n'a pas dit un mot tout le temps de mon observation. Il se recule un peu, me désigne un coin de sable et me tend sa baguette. Explique. Je lui fais un topo rapide. Il me dévisage perplexe. Je pense qu'il faut prévoir une évasion, une évacuation militaire. Et t'envoyer direct à Mayo, l'hôpital militaire d'Alger. Tu ne serais pas complètement frappé, non ? J'insiste. Non, chef, je suis sûr que je peux le faire. Et c'est à l'instruction qu'on t'a appris ces conneries ? Non, chef, c'est mon grand-père. J'ai chassé quelques années avec lui et je peux me déplacer sans être vu ni entendu, surtout par nuit noire. Là, les petits yeux du chef Mingé s'élargissent comme des soucoupes. Je crois qu'il s'arrête même de respirer quelques secondes. C'est bien ce que je disais. T'es complètement givré. Un temps, puis... Bon, on va expliquer ça aux autres et on mettra aux voix. Nous rejoignons le groupe qui s'est de nouveau posé. Le chef les remue. Allez les gars, debout. Vous aurez toute la mort pour vos pieds. Rin va vous expliquer son idée. On se concentre. J'essaye aussi de me concentrer et je me lance. Je crois que la première chose à expliquer est que je suis capable d'approcher une cible sans être détecté de jour comme de nuit. J'ai chassé comme ça avec mon grand-père depuis l'âge de 10 ans, et si un animal ne me repère pas, je crois qu'un homme le peut encore moins. Je n'ai jamais essayé avec un humain, mais ça doit marcher. Tout le monde ouvre de grands yeux comme le chef tout à l'heure, mais personne ne bronche. Silence prolongé. LR. Je vous écoute, Jean. JR. Je m'accroupis devant le schéma que le chef a tracé. J'explique. Ce soir, c'est une nuit sans lune, ce qui va faciliter mon approche. Je vais d'abord me camoufler au maximum pour me confondre avec l'environnement. Je ne sais pas comment est le sentier, couleur, etc. Mais je vais improviser en me basant sur les éboulis. Je vais donc aller me placer ici, dans le bosquet de chênes. Je me déplacerai la nuit tombée et serai en place avant minuit. À minuit, je commencerai mon approche. Les jumelles m'ont donné 250 mètres à parcourir. Avec une marge d'une demi-heure, ça va me prendre 5 heures. Et un des gars lève la main. 5 heures pour faire 250 mètres? Je me doute qu'aucun d'entre eux n'a jamais pratiqué cet exercice. Oui, à peu près. Si je ne veux pas que les autres me voient bouger, il ne faut pas que moi-même je me voie bouger. Donc, ça prend du temps. Je pense être à portée de grenade entre 5 et 5h30. Pas d'autres questions, mais je perçois comme un malaise dans le groupe. Je me ressaisis et continue sous le regard toujours aussi froid et inexpressif du chef. J'aurai avec moi une grenade et un pain de plastique le tout enveloppé dans deux chaussettes l'une dans l'autre. Oui, les chaussettes, c'est pour camoufler l'étincelle du bouchon allumeur. Dans la nuit, ça se verrait comme un feu de Bengale et puis ça amortira le bruit de la chute du colis que je leur balancerai dès que les premiers rayons du soleil passeront la crête. Le coude du Talweg est orienté est-ouest et nous sommes en juin, donc le soleil va se lever à 5h30 et le mec en chouffe l'aura en plein dans les yeux. Si toutefois il ne dort pas. Donc à 5h, tout le groupe est en place au pied de l'éboulis pour donner l'assaut. Dès que ça pète, vous grimpez fissa, parce que si j'ai raté mon coup, il leur faudra moins d'une minute pour reprendre leurs esprits, et on se fait tous allumer. Donc, les sprinteurs en tête, vous avez 20 secondes pour arriver à l'entrée et les neutraliser. Voilà, chef. Si vous êtes d'accord, il faudra que les paras soient en place pour nous couvrir si ça tourne mal. Je me tais. Devant moi, 10 perdus qui disent tous la même chose. Ce mec est complètement fêlé. Le chef intervient. Vous pouvez vous asseoir et discuter entre vous. Vous avez 10 minutes pour vous décider. 5 minutes ne se sont pas écoulées que le conseil de guerre s'achève. Les gars sont OK, ils me font confiance. Le chef me prend par le bras et m'entraîne à l'écart. Moi je marche, mais tout repose sur toi. Tu es certain de tenir 5 heures tout seul sur ce sentier à progresser à la vitesse d'un escargot? Pas de problème, chef, je l'ai déjà fait. Pas dans les mêmes conditions, parce que les sangliers n'ont pas de masse 56, mais ils ont quand même un sacré flair. Et il faut bien repérer la direction du vent avant de commencer l'approche. Là, on a de la chance, le vent est pour nous. Avec votre permission, je vais essayer de dormir une heure ou deux. LR. Vous vous sentez capable de dormir avant une action aussi stressante que celle-là? JR. Oui. Je peux dormir sur commande et me réveiller quand je l'ai décidé. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas. Une main secoue mon épaule. C'est le chef. 22h30. Tu peux te préparer. Je me lève, ajuste mon treillis que je boutonne jusqu'au cou. Avec l'aide de deux commandos et afin d'éviter que le tissu de ma tenue trop lâche ne s'accroche à la moindre aspérité, je saucissonne les manches de la veste, le buste et les jambes du pantalon avec une pelote de ficelle récupérée dans la trousse d'artificier. C'est une opération délicate car il faut bien veiller à croiser le fil en losange, sinon ça ne tiendrait pas. Nous nous éclairons avec des lampes à écran rouge qui diffusent une lumière fantomatique totalement invisible à 10 mètres. L'un devant, l'autre derrière, mes camarades m'enduisent de graisse à Rangers et couvrent le tout avec la poussière du sol alentour. Il va en falloir plusieurs couches pour que je ressemble à une sorte de fantôme de pierre. Ma tête subit le même sort à l'exception du visage où j'applique moi-même quelques traits de bouchon brûlé. Le tableau est complet et voir la tête de mes collègues, ça a l'air plutôt réussi. Je fais quelques exercices d'assouplissement pour vérifier que rien n'entrave ma mobilité. Le chef m'interpelle à voix basse. « Tiens, voilà le pain de plastique, 2 grenades off pour offensive, au cas où l'une aurait un raté et la paire de chaussettes. Ah, ton ceinturon et ton PA. » J'objecte que je n'en ai pas besoin, car trop lourd et trop gros, il risque de s'accrocher dans les cailloux du sentier et me faire repérer. Le chef fait alors une chose inouïe. Il met la main à son ceinturon et sort son PA personnel. Un Herstal beaucoup plus petit et maniable que notre PA réglementaire. Mets-le dans ta poche de poitrine. Tu vas pas partir à poil quand même. Gaffe, il y a une cartouche engagée, la sûreté mise et surtout, la queue de détente est hypersensible. Je le remercie, vérifie l'arme et la glisse dans ma poche droite, puis prépare les grenades autour desquelles je pétris les 250 grammes de plastique, ne laissant libre que les bouchons allumeurs. Je glisse mon bricolage dans les chaussettes enfilées l'une dans l'autre. Avec un nœud de longe, je fixe le tout à ma patte d'épaule gauche, là où ça ne me gênera pas pour ramper sur le ventre. Ce nœud peut se défaire instantanément, le moment venu. LR. J'ai du mal à imaginer votre tension nerveuse à cet instant. Elle ne transparaît pas du tout dans le récit que vous me faites. JR. Parce qu'il n'y en a pas. Pour moi, ce n'est rien d'autre qu'un exercice comme un autre, répété sans cesse à l'instruction jusqu'à ce qu'il s'inscrit dans le réflexe. LR. Je vous laisse poursuivre. JR. La nuit est tombée et il fait très noir maintenant. La progression jusqu'au bosquet de chêne-liège se fait sans encombre. À mi-parcours, comme prévu, les paras font une diversion. Un peu de bruit, comme s'ils allaient se mettre en place pour un assaut. Deux rafales de MG-42 partent de la grotte et le silence retombe. Le chef a tenu à m'accompagner jusque-là, sans doute pour s'assurer que ma détermination et mon calme ne sont pas qu'une façade. Ma poignée de main semble le rassurer. une dernière tape sur l'épaule pour me souhaiter bonne chance, et il tourne les talons me laissant seul face à la nuit. Je n'en suis pas pour autant déstabilisé, tout au contraire. J'aime la nuit, je la connais bien, elle me protège. Hors de vue au milieu des chênes lièges, je regarde ma montre aux aiguilles luminescentes. 10:30. C'est bon, je suis dans les temps. Le sentier qui monte en pente douce vers la grotte est à 2 mètres. Pas très large, juste le passage d'un homme, une petite incurvation et un faux plat à mi-chemin. Au fur et à mesure qu'il s'élève vers la grotte, la paroi à droite devient plus abrupte et côté Talweg, le cône d'éboulis s'amincit. Il y a quelques siècles, un morceau de falaise a dû s'écrouler, libérant l'ouverture de la grotte que les habitants de la région se sont appropriée, la transformant en abri pour eux-mêmes et leurs troupeaux de chèvres. La guerre en a fait une cage de stockage et un refuge. Il est temps que je me mette en route. Dernière vérification de mon équipement. Décharge d'adrénaline. La même excitation que lors du départ de n'importe quel exercice. Je n'ai pas vraiment conscience que c'est la guerre, la vraie guerre. Celle avec des hommes qui meurent et ne se relèvent pas au coup de sifflet de l'instructeur. Je sors en rampant du bosquet de chênes et m'engage sur le sentier. Avec mon camouflage façon poussière et cailloux, j'ai parfaitement conscience d'être totalement invisible. À cette distance, pourguetteur de la grotte, même attentif, je ne suis qu'un renflement, une des nombreuses ondulations de ce sol inégal. LR, c'est extraordinaire cette absence de peur. JR, c'est parce que dans ma tête je suis toujours à l'entraînement. J'avance millimètre par millimètre, en prenant bien garde de ne faire aucun bruit et surtout à rester parfaitement collé au sol pour ne pas dire fondu au sol. Les heures s'écoulent lentement, sans que je ressente la moindre fatigue. L'excitation de la chasse me tient lieu de potion magique. Durant cette longue réputation, et par simple contact à travers le tissu de ma tenue de combat, j'identifie la nature du terrain sur lequel j'avance. L'information est intégrée sans que j'en aie conscience et mes mouvements s'en trouvent automatiquement régulés. Rien n'est réfléchi, pensé. J'agis par automatisme, ce qui me permet de garder l'esprit clair et d'analyser les 1001 bruits de la nuit que d'aucuns percevraient comme silencieuses. Comme tous mes sens, mon ouïe est affûtée telle une lame. Je suis en mode prédation. Je pense un instant à mes camarades qui ne vont pas tarder à se poster au pied de l'éboulis, mais me reconcentre aussitôt sur mon objectif. Je ne suis plus très loin et je distingue parfaitement le parapet de terre et de pierre derrière lequel s'abritent les choufs. Eux, je les sens. Le vent est pour moi. Depuis le temps qu'ils ne se sont pas lavés, on peut sentir leur odeur à 100 mètres. L'odeur caractéristique de vieille sueur refroidie. Même un sanglier ne pue pas autant. Un bref coup d'œil à ma montre. Timing respecté, 5h25. En bas, tout le monde doit être prêt à bondir et les paras ouvrir un feu d'enfer pour leur faire baisser la tête si l'on devait se replier à découvert sur le cône d'éboulis. LR. Que faites-vous maintenant? JR. Je m'approche encore à quelques mètres pour attendre les premiers rayons du soleil. Signal pour balancer ma charge. De là où je suis, j'en entends un ronfler, pas très fort. Je le situe près de l'entrée de la grotte. L'autre, à l'odeur, doit être plus à gauche près du parapet. J'ignore si celui-là dort. Une faible lueur à l'horizon. Réfléchir une dernière fois. La charge sera pour le gars au plus près de l'entrée. Lui, ça le neutralisera définitivement. Et sonnera les 3 autres qui dorment à l'intérieur. Le chouf près du parapet, c'est à moi de m'en charger. De la main gauche, je sors le herstal du chef de ma poche de poitrine et le pose devant moi, la double chaussette dans la droite. Je glisse 2 doigts à l'intérieur, les anneaux de goupilles, 1/4 tour, je tire. Ça y est, les goupilles sont enlevées. Je n'ai plus qu'à lâcher les cuillères. 6 secondes et ça pète. En une fraction de seconde, tout s'enchaîne. Le premier rayon de soleil émerge de derrière la crête et vient lécher le parapet de la grotte. Je lâche les cuillères et j'entends le pchit caractéristique de l'amorçage étouffé par les chaussettes. 1, 2, 3, ample mouvement du bras. Je balance mon paquet pile à l'endroit visé, bouche ouverte. À peine au sol, la charge pète. Je récupère le PA, ôte la sécurité d'un revers de pouce et bondis sur ma gauche où je me trouve nez à nez avec le chouf. Un genou à terre. Bien que sonné, il est en train de se relever avec un fusil de chasse à canoncier qu'il va pointer sur moi. Il n'en a pas le temps. La détonation du Herstal et l'apparition du trou au milieu de son front sont simultanées. Un autre énergumène sort en trompe de la grotte, Mat 49 au point, lâchant au hasard rafale sur rafale. Deuxième détonation du Herstal, deuxième étoile rouge entre les deux yeux. C'est à cet instant précis que la vague du commando lancée à pleine vitesse escalade le parapet et s'engouffre dans la grotte. Quant à moi, je suis là, les bras ballants, le Herstal du chef toujours dans la main gauche, complètement figé, tétanisé par ce que je viens de faire. Je regarde le gars près du parapet. Il a à peu près mon âge, et si c'était ce trou rouge au milieu du front, on pourrait croire qu'il dort. Celui qui est chargé avec son PM est couché sur le ventre, l'autre qui a pris les chaussettes en plein est presque coupé en deux au niveau de la ceinture. Le chef mingé vient vers moi. Je suis pris d'un tremblement incoercible et il voit tout de suite que je suis en état de choc. Il récupère ce Herstal et me fait asseoir sur le parapet. « Ça va aller, garçon ?» C'est la première fois qu'il m'appelle comme ça. Un groupe de paras arrive, le chef fait signe à l'infirmière qu'il glisse de mots à l'oreille. Après m'avoir jeté un coup d'œil effaré vu mon aspect, le para sort une seringue automatique de sa trousse et me fait une injection d'adrénaline dans la cuisse directement à travers mon treillis. C'est comme un électrochoc. Le tremblement cesse instantanément et je reprends pied dans la réalité pour voir mes copains sortir sans ménagement de rebelles de la grotte. Beaucoup me regardent avec un air d'étonnement ou de respect. Certains me font petit signe de la main. Le chef revient vers moi. Chaporine, tu nous as fait ça comme un pro. Il y en a un, je ne sais même pas si on pourrait l'identifier. Quant aux deux autres, ils n'ont rien dû comprendre à ce qui leur arrivait. Félicitations mon gars, ça vaut une VM avec étoile d'argent. Je m'en charge, même si le colon n'est pas content, parce qu'il avait dit de faire un max de prisonniers. On redescend les boulis et le chef me tient par le bras comme s'il craignait que je me blesse. Il sait que je suis sérieusement sonné et qu'il va me falloir du temps pour m'en remettre. La vision des trois hommes que je viens de tuer me submerge comme une vague, et à peine arrivé à notre bivouac, mon estomac se retourne. Le chef me tient par un bras et me soutient le front. Il me fait asseoir sur une grosse pierre plate et me fait boire de larges rasades d'eau fraîche. « Ça va aller, mon gars. Dis-toi que ce que tu as fait, c'est assez costaud. Fallait avoir les burnes. » Je bafouais. « Mais chef, je voulais pas les tuer, putain. Jeune, il m'a regardé dans les yeux. » « Oui, mon gars, sauf que c'était pas un exercice. C'était pas les cibles pivotantes du stand de tir. C'était des vrais rombiers, et c'est la guerre. Pas le choix, c'était eux ou toi. » On entendait un brumissement dans le lointain. Il se rapproche et deux minutes plus tard, un hélicoptère Sikorsky se pose à 100 mètres de nous. Le chef et le lieutenant des paras vont devant de l'homme corpulent, un colonel, qui vient de sauter de l'appareil suivi d'un petit sous-lieutenant, sans doute son aide de camp. Sauter est un bien grand mot vu sa bedaine. J'aurais dû dire se laisser tomber. Il maintient son calot d'une main et répond au salut des autres. À l'écart de l'hélico qui a stoppé son moteur, le chef et le lieutenant des paras lui font un topo de l'opération. Je n'entends pas ce qu'ils se disent, mais le colonel tourne plusieurs fois la tête dans ma direction. Lorsqu'il s'avance et s'arrête à 2 mètres de moi, je ne bronche pas et reste assis, la tête baissée, fixant obstinément le sol. Le colonel s'adresse à moi. « Alors, sergent, un peu secoué, jeune homme ? Allez, du nerf. Vous verrez, la guerre on s'y fait très vite. » Je me lève, et il croit que c'est pour le saluer, sauf que devant tant de conneries, je pète un câble. La guerre, qu'est-ce que t'y connais, sac à merde? Retourne à tes paperasses et nous fais pas chier. Je me rassieds et l'entends proférer ses menaces. Vous allez voir ce que ça coûte d'insulter un officier supérieur. Considérez-vous comme étant aux arrêts. Vous aurez de mes nouvelles, sergent. Du coup, sans même inspecter le site, il remonte dans son sico avec son petit sous-lieutenant à la mine ahurie qui n'a rien entendu et se demande pourquoi le patron a l'air furieux. L'hélico décolle dans un tourbillon de poussière. Le lieutenant retourne vers ses paras, et le chef vient vers moi, consterné. « Putain, Rin, qu'est-ce qui t'a pris ? » ?»« D'accord, t'avais 100 fois raison, mais t'es dans l'armée, là. Dans le civil, on t'aurait foutu dehors, mais là, je crois plutôt qu'il va falloir te foutre dedans. » Il s'assied à côté de moi et part dans un éclat de rire tonitruant. « Nom de Dieu, qu'est-ce que tu lui as mis ?» ?»« C'est clair, il a rien vu venir. Il n'y a pas qu'avec un PA que tu tires vite. » Je le regarde un peu contrit. Désolé, chef, si je vous ai attiré des ennuis. Je suis vraiment désolé. Vous n'y êtes pour rien. Pas de problème pour moi. C'est moi qui suis désolé pour toi. Enfin, j'irai voir le capitaine en rentrant et on essaiera de te sortir de là. Allez, fais ton sac. On repart au bahut. C'est les paras qui ont la main maintenant. Je leur laisse le caporal Petit et deux mecs pour faire sauter la grotte. Les gars du commando reviennent. La nouvelle de mon dernier exploit avec le colonel est déjà connue de tous. Chacun passe devant moi et me serre la main sans un mot. Lorsque c'est le tour du caporal-chef, Rabot, il ajoute « Au fait, les gars m'ont chargé de te dire ton surnom, c'est plus la cigogne. À partir d'aujourd'hui, c'est le Naja. » Long silence. LR « Eh bien, je crois que nous allons avoir matière à discuter. Une dernière question, cependant. Êtes-vous toujours ce Naja ?» JR « Non, je ne crois pas. Ou alors un vieux Naja qui a perdu ses crocs. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose du prédateur capable de se déplacer sans le moindre bruit, et c'est très bien ainsi. » Fin d'enregistrement.